On va parler de NBA avec notre ami Pascal Jobin. Pascal qui est pas mal dedans quand il dit que les Raptors en ont plein les bras. Et il avait dit ça devant au début de la série. Salut Pascal. Salut Danny. Comment ça va Danny? Ça va bien, ça va bien. Pascal, t'es pas mal dedans quand tu dis ça, là. C'est assez particulier, là. J'ai l'impression que ça va même se rendre en 7. Ça pourrait-tu arriver? Écoute, ça va être dur pour Toronto. J'aimerais voir Toronto gagner match numéro 6 à Washington. Ça montrait le caractère. Puis ils ont besoin d'une victoire sur la route. Okay. Tu sais, la saison qu'ils ont connue, puis les séries, je dis souvent c'est deux choses, là. Mais ils ont quand même connu une saison spectaculaire cette année. Puis je pense que les deux premiers matchs ont démontré une supériorité des Raptors à domicile. Ouais. Mais là, tu te retournes à Washington, puis tu perds les deux suivants à Washington. Mm. J'étais un petit peu déçu par rapport à mes attentes envers Toronto. Tu sais, à date, ils ont fait ce qu'ils avaient à faire, mais aussi Washington. John Wall, hein, on n'a pas été capable jusqu'à maintenant de solutionner John Wall. Exactement, tu as tout à fait raison. Fait que moi, je pense que j'aimerais ça voir. C'est très dur. Et Toronto ont souvent de la difficulté à ce que les joueurs professionnels appellent, c'est finir une saison, tu sais, que ce soit au hockey ou au basket, excuse-moi, une série. Mm. Puis le match décisif, la pression, l'énergie que ça prend, c'est même quand tu mènes 3-0 dans une série, le match numéro 4 où tu te dis si on gagne, on élimine notre équipe, on regarde les Warriors, ils ont perdu le match numéro 4 contre les Spurs. Mm. Fait que où ils ont perdu le match numéro 3 parce que ça a fini quand même 4-1 là. Mm-hmm. C'est pas évident, c'est pas toujours évident, mais je pense que Toronto, si je veux croire aux Raptors, Danny, qui se rendent en finale cette année de la NBA, ouais. Pour moi ils doivent me démontrer ce caractère-là de battre les Wizards à Washington. Ils doivent gagner à Washington. Pour moi, s'ils perdent à Washington, ça veut pas dire qu'ils feront pas les finales cette année, mais je veux voir une équipe qui est physiquement et mentalement à un autre niveau. Parce que pour gagner un championnat dans n'importe quelle ligue, il faut que tu sois vraiment à un haut niveau physiquement et mentalement. C'est clair. Mais c'est pas juste. Puis surtout dans un septième match, tout peut arriver. Tout peut arriver dans un septième match. Ouais, mais là, ils doivent. C'est ça, comme tu dis, si Washington revient à Toronto, là, on a la pression de se dire on a fini premier dans l'Est, on est considéré favori. Tous les experts maintenant parlent de nous autres en finale NBA. Et là, on pourrait perdre en première ronde. Et fait que c'est un stress épouvantable. C'est pour ça que moi, je pense qu'il faut qu'ils closent la série à Washington. OK. Donc, on va surveiller ça. C'est 19h sur RDS2 également. Je pense que ce soir, c'est sur Sportsnet. Parce qu'il alterne entre TSN et Sportsnet parce que l'équipe appartient aux deux. Fait que je sais pas si. Je pense que c'est à Sportsnet ce soir, peu importe. Donc, vous allez pouvoir voir ça. Cleveland, Indiana, c'est 3-2 pour les Cavaliers. Les Pacers qui avaient gagné le premier match. Par la suite, ça va comme c'est mené, quoi. Ben ouais, ils ont surpris. Est-ce qu'ils ont surpris? Je pense qu'ils ont gagné 3-1 la série pendant la saison contre les Cavaliers. Ouais. Ils ont été gagnés le premier match, selon moi, assez facilement à Cleveland. Cleveland s'est repris en gagnant le match numéro 2. Et dans les matchs à Indiana, c'était Cleveland dominait par 15 ou 16 points. Même le deuxième match à Indiana qu'ils ont gagné, ils ont perdu le troisième match Cleveland. Mm-hmm. Ouais. Mais le deuxième match à Indiana qu'ils ont gagné, ils menaient quand même par beaucoup. Ils ont quand même réussi à gagner le match. Donc en gagnant ce match-là, on a repris l'avantage du terrain. Et là Cleveland mène 3-2 dans la série. Donc faut qu'Indiana batte les Cavs deux matchs. Ça c'est beaucoup plus difficile. Même si Cleveland perd ce soir. Ils doivent retourner à la maison. Donc, c'est un match important. Il ne faut pas se mentir. Indiana perd, ça va finir la série. Ça va finir 4-2 finalement. Donc, c'est un match. Je pense que LeBron, on sait que je pense que c'est lui qui, non seulement il a joué le plus de minutes cette saison, dans la saison régulière, mais même dans les séries en ce moment. Puis LeBron, tu sais, ça prend tout, là. La vedette de Indiana ne joue pas bien, qui est Victor Oladipo. Puis c'est un match que ça prenait LeBron pour rentrer une shot sur le buzzer pour gagner, là. Sinon, c'était une prolongation. Ouais. Quelques erreurs en fin de match de l'arbitrage, mais des deux côtés. Okay. Fait que, parce qu'il y a une règle dans la NBA qui vont sortir un rapport des deux dernières minutes. Fait qu'on s'est rendu compte que peut-être qu'il y avait le lay-up que LeBron a bloqué contre Victor Oladipo, selon la NBA, avait touché au panneau, donc ça aurait dû être 2 points automatiques. Mm-hmm. Mais juste ce jeu-là avant, lorsqu'on a donné le ballon aux Pacers, c'était vraiment les Pacers qui avaient sorti la balle. Donc un des joueurs des Pacers, Thaddeus Young, avait frappé la balle hors des mains de LeBron. Le ballon avait revolé sur le coude de LeBron, mais avait touché à la ligne avant de toucher à LeBron, donc ça aurait dû être à Cleveland. Donc quelques erreurs, tout ça pour que ça finisse à égalité. LeBron à 3 secondes réussit un tir pour ajouter à sa légende dans la NBA comme joueur de basket. Donc c'est un match important pour Indiana, parce que si on gagne ce soir, on sait qu'on est capable de gagner à Cleveland. Puis pour Cleveland, ben je pense qu'ils veulent terminer ce match-là à Indiana ce soir. OK. Milwaukee contre Boston. On avait dit que du côté des... tu avais prévu Milwaukee. Ouais. Écoute, les Celtics qui déjà... puis tu avais dit assez facilement. Donc les Celtics là-dedans... écoute, de se rendre en 7e match sans Kyrie Irving, c'est quand même une certaine surprise, là. Ben, c'est une énorme surprise. Écoute, moi, je pense que Terry Rozier a démontré qu'il est capable de... C'est pas le prochain Kyrie Irving, mais c'est un joueur solide. Je pense que c'est une audition. Il y a beaucoup d'équipes dans la NBA qui se disent, OK, ce gars-là, on serait peut-être intéressé à lui, là. Il connaît toute une série. On sait que Boston avait l'avantage du terrain. Ils ont quand même connu une bonne saison. Ils sont habitués de jouer sans Kyrie Irving. On sait qu'ils ont passé la saison sans Gordon Hayward. Là, on avait quelques blessés qui sont revenus. Il y a Marcus Smart qui était absent, qui est revenu. Donc, je pense que le match numéro 7 à Boston va être très difficile pour Milwaukee d'aller chercher. Je serais pas surpris que Boston gagne. Okay. Mais ça, je peux pas te mentir, je suis un petit peu ambivalent parce que j'adore Milwaukee. J'aimerais ça voir Milwaukee en deuxième ronde. Parce que j'adore Giannis Antetokounmpo, mais Boston sont toujours durs à battre chez eux. Puis historiquement, je pense que les matchs numéro 7, ils sont en haut de 500. OK. Golden State contre Nouvelle-Orléans, ça commence demain soir. La première ronde sera même pas finie non plus. C'est quand même assez surprenant pareil, hein? Mais ça, on fait ça depuis quelques années dans la NBA, là. Même si la première ronde n'est pas terminée, on y va en deuxième ronde. Donc ça commence demain soir dans cette série-là. Il y a des dates par rapport à des séries. Ouais. Fait que souvent, on est capable on peut savoir que techniquement la finale NBA va jouer telle date, là. Mais je pense que, tu sais, il y en a qui disent que Golden State ont perdu un match contre les Spurs pour prolonger la série. Comme ils ont fait exprès pour perdre. Parce que tu sais que Steph Curry il sera pas là samedi. Là. Je me trompe pas. Il est absent. Quand est-ce qu'il va revenir? Il y a beaucoup de gens qui disent que les Pelicans sont capables de battre les Warriors sans Steph Curry. Et là, ça va être le fun de voir est-ce que Kevin Durant va être le Kevin Durant qu'on s'attend. Le Kevin Durant qui avait quand même amené les Thunder en finale contre le Heat de Miami à l'époque quand il était plus jeune. Le Kevin Durant, n'oublie pas qu'il menait 3-1 contre les Warriors, qui a perdu contre les Warriors, a décidé de se joindre à eux autres l'année suivante, qui était l'année passée, pour gagner un championnat NBA. Mais c'était toujours Steph Curry qui était derrière Durant avec un 30 points, des tirs de loin, un dribble, un contrôle de jeu. Ça va être très intéressant de voir est-ce que les Warriors sont capables de passer à travers les Pelicans. Là, Pelicans, le meilleur joueur dans les séries en ce moment, selon beaucoup d'experts, Anthony Davis. Okay. Offensivement, défensivement, c'est un Kawhi Leonard à 7 pieds. C'est un bonhomme qui est capable de shooter des 3 points, qui est capable de dribbler le ballon, mais défensivement, il y a une présence énorme avec cette équipe-là. Avec ça, tu as Jrue Holiday. Oublie pas là, que les arrières de Portland, Danny, Lillard, CJ McCollum, c'est tous des joueurs. Ils ont passé à travers comme du beurre. Et Jrue Holiday a fait un match de 41 points, si je ne me trompe pas, contre Damian Lillard. Là. Donc, surprise, ils jouent à un haut niveau et ils ont une voix dans le vestiaire, mais un joueur sur le terrain qui peut dominer avec des aides. Juste le joueur un des plus tough mentalement dans la NBA en ce moment, qui est Rajon Rondo, qui sait c'est quoi gagner un championnat. Donc, tu ajoutes Rajon Rondo. Je vais revenir à l'année passée lorsque Dwayne Wade et Butler jouaient contre Boston. Je ne sais pas si tu t'en souviens, la série des Bulls contre les Celtics l'année passée. Il menait dans la série et Rondo était blessé. Mm-hmm. Si Rondo se blessait pas, je suis convaincu que Chicago passe à travers Boston. Donc Rondo n'est pas fini, Danny, et ça va être toute une série. Donc ça tombe sur les épaules de Kevin Durant et de Klay Thompson pour vraiment performer. Puis en passant, Danny, attends-toi, si tu écoutes ce match-là, va aux toilettes avant que ça commence, parce que une fois que le jump ball va être parti, ça va être ce que j'appelle high octane. Ça va courir, ça va pousser la balle. Je ne serais pas surpris de voir des scores de 130 à 120 dans cette série-là. Incroyable. OK. Dans les autres séries maintenant. Ben, en ce moment, on sait Oklahoma et Utah. Ouais. Oklahoma, Westbrook a décidé de je pense c'est 45 points dans son dernier match. Donc on retourne à Utah. Moi, j'aimerais voir Utah gagner cette série-là. La déception du côté d'OKC, Paul George, OK, Carmelo Anthony, il est où? Il n'existe pas. OK. Et en ce moment, ces trois vedettes-là se font dominer par une recrue qui est Donovan Mitchell, qui est aussi bon offensivement que défensivement, qui est après vraiment faire son nom. Les experts pensent que ça va être un champion avec Ben Simmons. Là, il va, au lieu de n'avoir un recrue de l'année, il va en avoir deux. Là. Mm. Mais Donovan Mitchell, si t'as pas vu la série, si t'as pas vu Utah cette année, Danny, faut que tu regardes cette équipe-là. Ricky Rubio, Rudy Gobert, c'est une équipe solide et menée par une recrue, mais ils jouent en équipe, le ballon circule. Et puis ils ont été capables là, de vraiment je dirais que le coach Snyder pour Utah a fait un bien meilleur travail au niveau d'attaquer la défensive et les faiblesses d'Oklahoma que Billy Donovan. Puis ça a pris un match de 45 points de Westbrook pour être capable là, de survivre dans cette série-là. Donc match si je me trompe pas à Utah qui pourrait être un match décisif. Bon. Hey, j'ai vu de quoi, je sais pas si puisque j'étais absent pendant quelque temps, j'ai vu de quoi que Jerry Stackhouse, qui est l'entraîneur des Raptors 905, ça c'est l'équipe dans les G League, serait interviewé par les Knicks de New York pour le poste d'entraîneur-chef. J'ai vu passer ça, je pense que c'est la semaine passée. Stackhouse, écoute, les Raptors sont en 905 sont en encore en finale de la G League, tu vois-tu? Écoute, lui, si c'est pas à Toronto, il va graduer. Ouais, je pense que c'est fini pour Stackhouse dans la D League. Je pense que la prochaine étape, c'est d'ici quelques semaines, il va aller se. Parce qu'oublie pas qu'il y a encore certains entraîneurs qui risquent dans les prochaines semaines de perdre leur emploi. Je serais pas surpris de voir Stackhouse. Ça pourrait être Phoenix, ça pourrait être Memphis. Ça pourrait être les Knicks. Je sais que les Knicks ont interviewé aussi l'entraîneur des Hawks d'Atlanta, qui est sous contrat encore 2 ans, a eu la permission d'Atlanta d'aller interviewer pour des postes. Donc, on sait qu'ils veulent pas le garder, puis ils espèrent que s'ils décident de quitter, on sera pas besoin de le payer les millions qu'on lui doit pendant 2 ans. Comme ça, il pourrait aller ailleurs. On pourrait s'arranger pour faire une entente à l'amiable s'il veut quitter ce contrat-là. Je pense du côté d'Atlanta, on veut reconstruire. Et pour Stackhouse, ben il a fait ses preuves. Mm. Il a fait ses preuves. C'est quand même c'est un joueur vedette, c'est un joueur respecté, un ancien de la Caroline du Nord. Et il a démontré ce qu'il peut faire comme entraîneur-chef avec le 905, entraîneur de l'année. Parce que New York, c'est particulier. C'est dans la grosse pomme. C'est les Knicks, ça fait des années qu'ils performent pas. Tu le vois-tu? Je le vois, Jerry Stackhouse à New York. J'ai aimé son style de jeu agressif, un style de jeu. Okay. C'est une ancienne vedette, donc il n'y a pas peur. Oublie pas, c'est qui la star à New York, Porzingis. Donc, moi, je le vois à New York. Je sais pas s'ils vont prendre une décision bientôt. C'est sûr qu'il va se passer beaucoup de choses d'ici le repêchage, parce que tant qu'engager un entraîneur, tu l'engages avant le repêchage pour avoir un peu sa philosophie et sa vision des choses. Là. Mais je le vois très bien à New York. Okay. Autre rumeur, c'est une rumeur que j'ai entendue, c'est quelqu'un qui m'a fait parvenir ça par les médias sociaux. La G League à Laval en 2020. As-tu entendu parler de ça? À Laval en 2020? Ça se pourrait, hein, parce que la place Belle, ce serait quand même quelque chose de. Je sais pas si c'est vrai, là, si quelqu'un m'est arrivé avec ça. Mais je peux te dire que la cet endroit-là. Serait parfait. Que ça soit le centre Belle. Moi, je vais être honnête avec toi. ça serait un endroit idéal. Okay. C'est très possible. On parle de 5000 places. Ça fit dans les critères de la NBA. Maintenant, ça serait l'équipe de qui? Parce que les équipes de NBA veulent avoir une équipe de G-League. OK? Ouais. Toronto a le 905. On est d'accord avec ça? Ouais. Boston, est-ce que il y a un club au Maine? Est-ce que le club du Maine va déménager à Laval, exemple, pour être. Parce que le club de Laval peut pas être affilié aux Raptors. Ouais. Donc, si tu regardes, puis là, je pense que dans la G League, on est rendu à une vingtaine, 24 clubs. Ouais. Il y a 30 équipes dans la NBA. Donc, est-ce que c'est un club indépendant? Maintenant, aller à Laval, je vois aucun problème. Mais regarde, les Canadiens de Montréal ont déménagé leur club école d'Hamilton à Laval pour avoir une proximité. On est d'accord avec ça? Ouais, ouais. Là, Boston qui aurait exemple. La ville la plus près, à part Toronto... C'est Boston. OK? Détroit, je pense, c'est Tri-City. Fait que si Boston décide mettre leur club de G-League à Laval, exemple, là, t'as des petits problèmes. On veut faire venir quelqu'un, les passeports. Tu sais, parce que... Je veux dire... Mais écoute, je pense que la seule chose que les Québécois et les gens de Montréal et Laval respecteraient, c'est d'avoir un club affilié à une équipe NBA. Moi, j'espérais que le club de G-League des Raptors soit à Laval. Okay. Parce qu'à l'époque, je m'étais fait approcher par Evenco. On avait des discussions, les gens d'Evenco m'avaient parlé par rapport à la... Parce que moi, vu que j'avais coaché le Matrix et le Jazz... s'il y avait des intérêts de la National Basketball League of Canada de jouer à Laval, tu vois. Fait que j'ai eu une rencontre à l'époque, il y a quelques années. Fait que ça me surprend pas qu'on en discute. C'est une belle place, mais j'adorerais ça. Mais je sais que maintenant, il y a presque plus de G-League qui sont indépendants d'une équipe NBA. OK. Et fait que c'est une question de proximité. Mais ça pourrait pas être les Raptors, à moins que le 905 déménage à Laval. Ouais, ça, est-ce que ça marche bien? Ça a l'air à bien marcher, 905 dans les. Ben, je vais peut-être être avec toi. La G League marche bien parce qu'elle appartient à la NBA. OK. Fait qu'il y ait un spectateur dans les estrades ou 2000, ils ont l'argent derrière. La NBA, c'est une machine, Danny. On est d'accord avec ça? Oh. Fait qu'une équipe de G League, une équipe de développement. Tu sais, les Canadiens de Montréal, disons la vérité, s'il n'y a personne qui se présente à Laval pour leur club, ils s'en foutent, ils ont de l'argent, là. Ouais, mais c'est toujours mieux de n'en avoir quand même. Mais ce que je veux dire par là, c'est qu'ils sont pas dans une ligue mineure où si tu vends pas 1000, 2000 billets par match, tu risques de fermer les portes dans un an ou deux. Tu comprends ce que je veux dire par là? Tout le monde est payé, puis si tu mets 2000 personnes, ben c'est un surplus, c'est le fun. Ouais. Tu comprends ce que je veux dire par là? Tu ne dépends pas de ta foule. Les équipes de la G-League, en ce moment, qui sont affiliées à des équipes NBA ou que même les équipes NBA sont propriétaires, ils se cassent pas la tête, là. Ils investissent, puis qu'il y ait des pertes ou non du club, tout le monde est payé, puis ils vont pas fermer les portes dans deux ans. Okay. T'as pas une équipe de G-League. Oups. Eux vont jamais faire faillite. Ah, c'est clair. Donc, on va surveiller ça de très, très près, Pascal, ce qui se passe là-bas. Pascal, on se reparle la semaine prochaine? Absolument, Danny, à bientôt. Oui, Pascal Jobin, collaborateur NBA.